Et étudiant. Converte avec un K s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur converte.be. Salut, bienvenue sur Vivacité, il est 11h. L'actualité avec vous, Delphine Vreux, bonjour. Bonjour, la grève a commencé chez Eurostar, grève du personnel anglais, personnel de bord. Elle sera étalée sur 2 week-ends, selon la compagnie, l'impact est minimal. Un train Londres-Bruxelles a été annulé, mais 28 autres sont maintenus. Demain, service normal, mais 4 trains Paris-Londres seront annulés dimanche et 2 autres lundi. Cette première vague de grève se termine lundi soir. A priori, pas de Belges, de victimes belges dans les explosions en Thaïlande. 11 bombes ont explosé dans 5 provinces du sud du pays, notamment dans la station balnéaire de Phuket. Les explosions ont fait 2 morts et 20 de blessés, selon la police. Il n'y a pas de lien avec le terrorisme. En France, le parquet de Paris enquête après de nouvelles menaces visant Charlie Hebdo. Selon Le Parisien qui révèle l'information, le journal a reçu 60 de lettres de menaces et l'une d'elles évoque un attentat prochain. Aux États-Unis, ils sont républicains comme Donald Trump. Ils sont très influents et ils sont plus de 70 à avoir écrit à leur parti pour réclamer l'arrêt du financement de la campagne électorale du candidat républicain à la Maison-Blanche. Sa capacité à diviser, son incompétence et son impopularité record risquent de transformer cette élection en raz-de-marée démocrate, écrivent-ils. Et ils demandent au parti de plutôt se concentrer sur les autres scrutins, en novembre notamment. Les Belges aux Jeux Olympiques, le début de la compétition aujourd'hui en athlétisme et les choses sérieuses vont commencer pour Kevin et Jonathan Borlée dans les séries du 400 mètres. Entrée en compétition aussi de Nafi Thiam à l'heptathlon. Ce vendredi, reprise aussi de la compétition pour Evie Van Acker, malade, et nouveau match encore un pour les hockeyeurs belges, déjà assurés de finir les matchs de poule à la première place de leur groupe. Par contre, le comité olympique bulgare confirme le contrôle positif de Sylvia Danekova, spécialiste du 3000 mètres steeple. Enfin, quand les îles Fidji décrochent leur première médaille olympique en rugby à 7, eh bien le pays en fait un jour férié, ce sera le 22 août. Le premier ministre de ces îles du Pacifique est à Rio. Au passage, il a préféré se mêler aux supporters plutôt que de s'asseoir dans la zone VIP. C'est un moment magnifique dans l'histoire de notre pays, déclare-t-il. Et il promet aussi une réception grandiose lorsque les champions olympiques seront de retour au pays. La météo, les nuages vont se morceler cet après-midi, 24 degrés. Demain et dimanche, 2 très belles journées avec des températures en hausse, 21-25 degrés. Le grand beau temps, ce sera à partir de lundi. Jean-Marc Strelin pour RTBF Mobile Info. Accident entre Liège et Anvers, c'est vaste. Dites-nous où ça se passe. C'est le 313, hauteur des Rental Est en direction d'Anvers. Des ralentissements parce que la situation est calme. Il n'y a que ça comme accident, tant mieux d'ailleurs. Sur le 42, Prume Bâtisse, entre Sarlespa et Poller, il y a un chantier. Donc vers Bâtisse, ça coince à partir d'Anzival sur 7 km, vous perdez un quart d'heure. En ce qui concerne le chantier sur le 19, Bruxelles-Anvers, ça coince vers Anvers sur 5 km à partir de Malines, vous perdez 10 minutes. Vers Bruxelles sur 6 km, vous perdez 10 minutes également. Puis j'apprends qu'il y a des débris sur le chaussée. Je découvre, c'est sur le 40, Bruxelles-Liège, hauteur de Linsan. Les voies de gauche et centrale sont neutralisées en direction de Liège. Prudence. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bonne journée, je vous laisse avec Stéphane Piedbeuf, un air de vacances. Ça va bien Delphine? Oui. Vous êtes en forme? Lancez. Oui. Vous êtes pressé de partir. Hein. Comment ça se connaître? Hein. Oui, c'est ça. Bon, ben, on se retrouve à midi alors. À midi. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Eh ben ouais, c'est vendredi, donc tout le monde est heureux puisque c'est la veille d'un long week-end. On va bien s'amuser évidemment jusqu'à 13h avec toute la musique que vous aimez, les tubes de l'été. Et parmi les 2 tubes de l'été que l'on a sélectionnés pour vous, il y aura Jean Dujardin. C'est le Cast the Rock, c'est le Cast the Rock, c'est le Cast, Cast, Cast, Cast, Cast the Rock. Donne-moi du cash. Et puis il y aura aussi le ciel, le soleil et la mer dans cette émission dans quelques instants. Les cadeaux aussi, direction le monde sauvage à Hawaï. Donc c'est bien Hawaï en province de Liège que nous vous emmènerons. Et puis la météo des plages et de vos vacances que vous demandez à Caroline Gillet par mail par exemple sur vivacité.be. On parlera conso avec Aurore Salsano. On va pas tout dévoiler maintenant, on va s'installer tranquillement dans l'émission parce que c'est vendredi et on n'a pas envie de faire grand chose. J'imagine que vous qui bossez c'est pareil. Voici Chris Cab avec Badabing. Un air de vacances sur Vivacité. home. After six shots of De Leon, you know that girl really turned me on. Tout premier tube de l'été, ce sera Le ciel, le soleil et la mer de François de Gelt. Mais avant ça, on vous emmène au Monde Sauvage des Wai. Une journée inoubliable en famille. Alors, ce qui est génial avec le Monde Sauvage des Wai, c'est que vous pourrez y aller jusqu'au 13 novembre. Donc, carrément, vous allez profiter d'une partie de l'automne aussi là-bas au Monde Sauvage avec ces quatre invitations d'une journée inoubliable. Mondesauvage.be. Et c'est vrai qu'il y en a des tas de choses à faire au Monde Sauvage des Wai en province de Liège. En plus, la région est vraiment magnifique. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu changer de thématique pour notre jeu de plage. On va pas vous passer une seconde d'une musique et vous demander de reconnaître un interprète, mais ça se passe toujours par SMS au 6003 pour 75 centimes. Donc au 6003, il va falloir nous envoyer le titre d'un film à partir d'un extrait. Évidemment, on fait de la radio, il n'y a pas l'image, donc ça va être un peu difficile pour vous, d'autant que l'extrait que nous avons choisi, eh bien, ne comporte aucune parole. Voilà, on va vous plonger dans l'ambiance d'un film et vous allez devoir le trouver, l'identifier et envoyer le titre du film par SMS au 6003. 6003, écoutez bien, de quel film s'agit-il ? Alors, avez-vous trouvé la bonne réponse ? Ah, c'est pas évident, hein, y a aucune parole. Faut connaître. Si vous avez la réponse, eh ben allez-y. Direction une journée inoubliable au Monde Sauvage des Wai en province de Liège. 6003 par SMS. Bonne chance ! Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous en selle pour découvrir mon Namur. Rendez-vous ce 13 août, on brunch sur la plus grande citadelle d'Europe et puis on pédale vers Malone, Boisdevillers et les bords de Meuse. À l'arrivée, concert gratuit de BJ Scott and Friends. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel.

Le ciel, le soleil et la mer, c'était François de Gaël sur Vivacité à 11h15. Et tout à l'heure, il y aura le casse de Bryce, deuxième tube de l'été. C'est un tube mythique, hein. Ce sera Jean Dujardin. On prendra la direction du sud de la France. Voilà. Ouais, c'est vendredi, hein. On est mauvais, hein, le vendredi quand même. Hein. Voilà. Mais bon, dans un instant, Caroline Gillet va s'installer. Elle va se réveiller peut-être. La météo des plages et de vos vacances arrive sur Viva après Lost Frequencies. C'est super ça, c'est Reality. Bon vendredi et puis bon début de week-end à toutes et à tous. C'est vrai que c'est un week-end de départ en vacances. D'ailleurs, tout à l'heure, dès 15h30, le Mobicopter RTBF vous fera vivre le RTBF Mobile Info en vue du ciel. Ne manquez pas les points RTBF Mobile Info cet après-midi. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Moins de 10 minutes, les people en vacances, on appellera Bezac Arthur, un artiste très sympa qui s'apprête à faire un tour du monde et qui viendra d'ailleurs sur le beau vélo de Ravel le 3 septembre à Péroué avec les Charlots. Il y aura une fameuse ambiance de ce côté-là également. Et puis on appellera également Musti, qui est une nouvelle coqueluche, hein, qui était au BSF il y a à peine quelques jours. Ce sera les people en vacances. Ça, c'est Bezac Arthur. Et son numéro, c'est le 0479-76. Et je vous laisse deviner les quatre derniers chiffres. Mais on les a, hein. On appellera dans les people en vacances tout à l'heure, soyez rassurés. Allez, dans un instant, Caroline Gillet s'installe dans le studio pour la météo des plages et de vos vacances. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Un air de vacances sur Vivacité. Et à l'aube de ce long week-end, Caroline Gillet, votre présence est capitale pour nous annoncer du soleil. Vous êtes obligée de nous annoncer du soleil, même à la mer. Bonjour Caroline. Bonjour Stéphane, mais quelle pression vous mettez sur mes pauvres petites épaules, c'est presque cruel, dites donc. Mais bon, vous m'avez demandé du soleil, vous savez que je ne peux rien vous refuser, vous allez en avoir. Aujourd'hui, on aura encore des nuages pour la matinée, mais des éclaircies plus généreuses vont commencer à se développer dans l'après-midi, surtout pour la seconde partie d'après-midi. Les températures seront plus agréables que ces derniers jours, aussi autour des 22 degrés. Mais attention, le vent sera bien présent, des rafales jusqu'à 45 km par heure. Et donc, on aura un confort assez mitigé sur les plages de la côte belge aujourd'hui. Mais à partir de demain, ça va changer. On va repasser sous un drapeau vert, puisqu'on aura moins de vent. On aura 21 à 22 degrés. Un soleil généreux, voire omniprésent. Et ça, jusqu'à mardi au moins. Caroline, nous avons reçu un mail de l'égérie de Claude MC Solar. Dans la chanson « L'as de trèfle qui pique ton cœur ». L'as de trèfle qui pique ton cœur. Ouais. C'est parti, Mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même ego, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Voilà, tout ça pour vous dire qu'une autre Caroline de Liège vous demande la météo de Rocamadour. Et là, on pourrait mettre Richard Blanchard si on voulait. Nous sommes dans le sud-ouest de la France. Ah, mais il y a des Carolines partout un jour et nous serons maîtres du monde, j'en suis certaine. Non, plus sérieusement, Caroline, si vous partez avec votre amour dans les grottes de Rocamadour, vous avez bien choisi votre moment puisqu'on attend un grand soleil et des températures supérieures à 30 degrés, en tout cas jusqu'à mardi inclus. Mercredi et jeudi, des averses orageuses vont éclater. Elles feront redescendre le mercure. Il faisait tout de même un peu étouffant. On aura tout de même encore de 23 à 29 degrés. Et puis à partir de vendredi prochain, retour du soleil et des températures un peu plus respirables. Merci. Et ben voilà. Mais quelle réactivité, quelle réactivité. On va encore faire clignoter le studio aujourd'hui, je le sens bien. Ça va encore être la grande fête. On est là jusqu'à 13h, on s'installe avec les tongs, le parasol, les bermudas, les t-shirts, les maillots, bref, tous les ustensiles pour profiter de la plage et des plages musicales de Vivacité avec Florent Motte, quoi de neuf ? Quoi de neuf, ce soir je suis sur la lune. Allô la terre, est-ce que tu me reçois? Quoi de neuf, ce soir je danse sur les dunes. En plein désert, les mirages font la loi. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler. Pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Que mes démons se réveillent et se mettent à danser. Tout paraît plus beau. Oh, oh, oh, oh. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Les étoiles. Quoi de neuf, je danse hiver comme été au rythme de mon cœur quand les battements s'emballent. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler, pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Quoi de neuf, décoller comme une fusée. Quoi de neuf, j'ai déjà tout misé. Mes démons se réveillent et se mettent à danser. Oh, oh, oh, en musique, tout paraît plus beau. Oh, oh, oh, oh. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. L'album s'appelle Danser sous la pluie, mais les tubes sont quand même assez ensoleillés. Florent Motte était sur Vivacité. Quoi de neuf, Antoine Binamé, sur la route, bien sûr? Eh bien, on a un accident qui vient de se produire sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek. C'est la deuxième bande qui est neutralisée en direction de la capitale. Par contre, bonne nouvelle, au 313 Liège-Anvers, on a une chaussée dégagée à l'instant à hauteur d'Herenthal-Elst en direction d'Anvers. Et puis, on nous signale qu'il y a des travaux sur le 42 Prume-Bâtisse, des travaux qui ont débuté ce matin entre Euzy et Bâtisse. On nous signale que, eh bien, vous ne comprenez pas, enfin, la signalisation n'est pas très claire sur place. C'est la bande de gauche qui est neutralisée en direction de Bâtisse. Et donc, on peut se servir des bandes de droite et d'arrêt d'urgence pour se déplacer sur cette distance-là, et que donc, eh bien, il y a des ralentissements à ce niveau-là. Vous perdez actuellement une trentaine de minutes, mais donc les bandes de droite et d'arrêt d'urgence sont accessibles aux véhicules. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. I sit and wait. There's an angel contemplating my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know grow. Angels, c'était Robbie Williams sur Vivacité. Il est 11h30, j'espère que vous allez bien. Dans quelques instants, vous allez gagner votre Rail Pass. Rail Pass SNCB avec letrain.be. On vous offrira ça par SMS et vous pourrez profiter de ce Rail Pass avec 10 trajets au choix à utiliser quand vous le désirez, vers où vous voulez, pour qui vous voulez. Il n'y a pas de limite d'âge et c'est valable un an. On va vous l'offrir dans un instant. Et là, tout de suite, bah, il est là. Il est par téléphone avec nous. Il s'appelle Bezac Arthur. Bonjour! Bonjour. On doit dire Bezac ou Arthur? On doit dire Bezac Arthur, ouais, c'est le... Bezac Arthur. C'est le nom d'Arthur, voilà. Ouais. Et votre prénom, votre vrai prénom, c'est... Mon prénom, c'est Sébastien. Sébastien, d'accord. Bon, bah, je vais vous appeler Bezac Arthur, hein, puisque c'est sous ce nom-là qu'on vous connaît quand même, Bezac Arthur. Et donc, vous serez au Beau Vélo de Ravel le 3 septembre à Péroué avec les Charlots. Vous les connaissez bien? Les Charlots, de nom seulement, mais je les ai pas rencontrés encore, donc je connais la pas. La Pyrobique, ça vous dit quelque chose? Hein, un petit peu, ouais. C'est l'apérobique. Hein, Bon, c'est pas vraiment le même style que vous, hein, on est bien d'accord. Et alors, ouais. De septembre à décembre, vous allez partir à la rencontre d'artistes des quatre coins du monde. Alors, ça, je comprends pas bien. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire un tour du monde avec votre sac à dos, c'est ça? Je vais enregistrer en fait mon deuxième album autour du monde. Donc, je vais rencontrer des artistes sur quatre destinations au Canada, au Québec. Et puis on va au Mexique, à Taïwan et au Burkina Faso pour enregistrer des artistes et aussi faire un documentaire sur voilà, comment partager la musique dans le monde, on va dire. D'accord. Chose comme ça. Vous êtes en voiture actuellement? Ouais, je suis en voiture, mais je peux me parquer en fait. C'est vrai que je suis... C'est peut-être pas pratique. Ouais, parquez-vous à l'aise, hein. Vous êtes loin? Non, là je suis près de Liège. Près de Liège, sur l'autoroute? Ouais, je suis sur l'autoroute. Et ça roule? Ça roule bien, là, ouais. Attendez, on va faire un point RTBF Mobile Info avec vous, c'est important, ça. Attendez, deux secondes. RTBF Mobile Info, à 11h32, on retrouve Bezac Arthur en direct de l'autoroute de Liège. Est-ce que ça roule, Bezac Arthur? Alors, ça roule très bien. Je suis derrière un gros camion, là, mais ça roule bien. Juste le temps, on attend le soleil là. Mais... Très bien. Vous savez ce qu'on va faire, Bezac Arthur? On va écouter Alice on the Roof avec Lucky You, le temps que vous trouviez un parking sur l'autoroute de Liège. Et puis on ira ensemble vers les questions des people en vacances. On va vous poser plein de questions très sympas. Vous allez voir, ça va être très très amusant, ok? Génial, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Soyez prudents sur la route surtout. Voici Lucky You sur Vivacité. Take me for a ride, I made up my mind. Lucky You. Used to be so kind, you forgot that time, didn't you? No, you can't deny, this is the last time I fight against you. No, you can't deny, this is the last fight against you. And music all around, the beat is on the ground. I'm ready for the show, show, show. Come on, come on, come on. I'm falling. Music all around, the beat is on the ground. I'm falling. Lucky You, c'était Alice on the Roof sur Vivacité. Et Zach Arthur est là, il est garé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va? Et Émilie, revenez. Émilie de Kegel est là. Vous préférez, j'imagine, vous préférez les filles, Zach Arthur? Puisque maintenant, oui. Ouais. Eh bah écoutez, voilà, c'est Émilie. Ça risque de changer. C'est Émilie de Kegel qui va vous poser les questions des people en vacances. Moi, je vais me chercher un petit café, d'accord? Bah, prenez-moi de l'eau alors. Voilà, je vous prends de l'eau. Et mais vous exagérez quand même, Stéphane, c'est son émission et c'est moi qui m'y colle, mais c'est pas grave. Enchantée de faire votre connaissance, monsieur. Enchantée, Émilie. Enchantée. Alors, c'est l'été, qu'est-ce que vous faites de beau? C'est l'été, là je me prépare à aller à Amsterdam. Amsterdam, très bien, pour du tourisme, pour grimper sur scène? Pas pour grimper sur scène, pour rencontrer, pour un rendez-vous et voilà, et peut-être un peu visiter, ouais. Il paraît que c'est magnifique, hein, musée d'Anne Frank, peut-être aller visiter quelques maisons aussi de Van Gogh, manger un petit peu de fromage, des harengs. Ouais, voilà, c'est voir les petits canaux et le fameux port d'Amsterdam, on ira voir ça. Vous allez peut-être le chanter aussi à un moment donné? J'ai déjà chanté, ouais, dans le temps, ouais. Mais là, je ne fais plus ça. Non. Alors justement, en parlant de chansons, quelle est la chanson pour vous qui représente le mieux l'été? Alors ça peut être un titre d'aujourd'hui, comme ça peut être un titre genre La Lambada d'il y a quelques années. Hein. La chanson qui représente le mieux l'été... Oulala, c'est vrai que les titres... J'écris des choses parfois assez sombres, donc le titre de l'été, je n'ai pas énormément de choses en tête. Je réfléchis à ça. Et je reviens vers toi dès que je l'ai. D'accord. Mais là, comme ça, j'ai plus de. Bon, alors. Un titre de musique du monde, ouais, je dirais. Ouais. Je pense comme ça à Ali Farka Touré, j'aime bien les musiques du monde du Mali et ça me fait penser à l'été. Ouais, en parlant de monde, vous voyagez un peu cet été ou ce sera plutôt après, hors saison? Non, c'est après ici pour le moment. Là, je vois tout le monde qui part en vacances, c'est d'ailleurs assez difficile. Je vois des gens qui rentrent, qui partent. Moi, je reste ici. Mais ce sera pour le 14 septembre, la date du départ du Tour du Monde. Bah, c'est déjà pas mal. Attendez, en plus, vous partez faire un Tour du Monde, donc c'est quand même bien, quand même mieux. D'ailleurs, quand vous partez en vacances, mais vraiment pour les vacances, hein, pas pour le boulot, 100% vacances, vous êtes plutôt plage, piscine, montagne, vous enfermez dans votre salon à mater toutes les séries que vous avez arrêtées pendant l'année? Moi non, pas du tout, c'est plutôt, quand je pars c'est plutôt pour faire des trucs, j'aime bien bouger, donc c'est surtout là, j'aime bien le trekking, la marche ou le surf, des trucs comme ça, ouais. Ce genre de plan, j'ai des potes qui vivent dans le sud de la France et je vais souvent là-bas pour faire ce genre d'activité. Sport, quoi. Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien comme activité pendant l'été, bah dans l'année de manière générale, mais l'été c'est sympa parce qu'on peut vraiment prendre le temps, c'est l'apéro. Alors vous êtes plutôt petit rosé, cocktail, jus de fruits, eau fraîche avec des glaçons? C'est plutôt bière, ouais, c'est ça. Après le surf ou la marche, ouais, la bière c'est chouette. Ouais. Mais pas la bière en France, Zach Arthur. C'est une hérésie, la bière Cronenbourg. En France. Elle est... Bah, en fait, ils boivent que des bières belges là-bas, mais elles sont toutes en France aussi. Alors ça va, parce que la Cronenbourg, la Heineken, la 1664, mon Dieu que c'est mauvais. La Heineken, c'est hollandais. Hein. Oui, mais enfin, c'est celles qu'ils boivent en France. Ah bon, donc ah ouais. Parce qu'ils n'en font quasiment pas. Vaut mieux. Ils se contentent de faire du vin. Ouais, rien de tel qu'une bonne bière qui est bœuf. Hein. Bon, vous allez entamer un tour du monde. Vous connaissez quand même la Belgique? Je connais quand même un peu la Belgique, ouais, ça fait. Quel est pour vous l'endroit représentatif de la Belgique? L'endroit représentatif. Bah, je sais pas, moi je dirais c'est Liège. Pour moi, je viens de là-bas. Le côté, en tout cas, le côté wallon. Le carré. Ouais, le seul endroit, tu rentres dans le carré, tu ressors de là, tu es rond. Tu es rond, tout à fait. Voilà. Bon, j'ai des boulets sauce lapin, c'est ça que tu veux. Hein. Mais sinon, je dirais pour la Wallonie, c'est Liège pour moi. Et puis le côté plus, on va dire, qui rassemble toute la Belgique, c'est Bruxelles, quoi. Le côté plus multiculturel et. Et ouais, ça j'aime bien, j'adore Bruxelles pour ça, ouais. Bon, bah voilà. Et je vais partir en vacances avec vous, moi. Vous avez de la chance, hein, Zach Arthur. Émilie de Kegel était justement là. Et voilà, c'est elle qui vous a posé les questions des people en vacances. Sinon, si vous voulez que j'aille nettoyer votre voiture, Stéphane, vous le dites. Hein, ah, mais non, j'étais au carwash la semaine dernière, ça va aller encore propre. Quoi qu'il a plu ces derniers jours, hier. Le 3 septembre, vous serez avec les Charlots à Perouet au beau vélo de Ravel. On vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup d'être passé par Vivacité, Zach Arthur. À bientôt. C'était un plaisir, à très vite. Au revoir. Merci. Enfin. Je suis métisse, un mélange de couleurs, oh, oh métisse, je viens d'ici d'ailleurs. Marcher pieds nus dans la ville, en sandales dans la jungle. Tu sais, le mélange est facile, il suffit d'être simple. Je suis une éclipse, une rencontre insolite. Je suis fier d'être métisse, j'ai la chance de choisir. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Parfois je me perds au milieu des deux rives. Si j'ai besoin de repères, mes racines me guident. Un sentiment basique, un élan, une chance. Une si belle mosaïque, et dans mon cœur ça danse. Je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes. Je suis l'enfant d'Adam et Ève, je suis un rêve comme Ismaël en Israël. Renie ta haine et fais sourire les anges. Mélange le Gange et la Tamise, métisse des Indes et du Brésil. On est métis comme Chadé, Bob Marley. Tu peux te marrer ou bien te barrer, on peut en parler. Multicolore, anticonard et tous mes colocataires caracoles en tête pour des idées d'un monde plus métissé. Métis, un mélange de couleurs. Deux êtres différents qui se mélangent et ne font qu'un. Je suis métisse. Deux cultures, deux passés qui se rassemblent et ne font qu'un. Je suis métisse. Deux façons de penser qui se rassemblent pour ne faire qu'un. Je suis métisse. Pas besoin de voyager pour dire que je viens de loin. C'était Yannick Noah sur Vivacité. Vendredi, hein. L'été du bon côté sur Vivacité. Bon, Émilie, ça va ? Ça va. Allô, est-ce que vous m'entendez ? Mais c'est vendredi, et c'est, tout part en vrille, en fait. Tout part à volo, dis donc. Oui. On est crevé. On est crevé. Et en plus, on a un long week-end, va falloir se reposer, hein. Oui, c'est pas prévu en plus, mais oui. Ah oui ? Vous allez faire la fête, vous, pour le 15 août ? Alors, je vais pas faire la fête pour le 15 août, je vais faire la fête le 14 août. Au Beauvais de Travel ? Alors ça, ce sera samedi, ce sera le 13, ouais, ouais. Un petit passage parce que c'est à côté de chez moi. Et après, je vois tous mes amis pour un petit dernier avant le départ, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, gros week-end en perspective. Et c'est pour ça que j'ai besoin en fait de l'aide des auditeurs aujourd'hui. Parce qu'on va faire un gros barbecue et j'en ai marre des salades classiques. Ouais. Donc on va partager aujourd'hui, cet après-midi entre 13 et 15 heures, nos bonnes recettes estivales. Alors que ce soit des recettes de vacances que vous prenez avec vous pour vous faciliter la vie quand vous êtes en vacances, en camping, dans un appartement, etc. Ou bien est-ce que ce sont des moments privilégiés pour vous pour passer de bons moments derrière les fourneaux, derrière votre barbecue, devant votre four, etc. Ouais. Et donc vous mettez en application plein de petites recettes que vous n'avez pas le temps de faire pendant l'année, des recettes que vous ramenez de vos lieux de villégiature, peu importe où, l'endroit. Donc voilà, on va partager nos petites recettes soleil cet après-midi. Ouais, ça va sentir les herbes de Provence, quoi. Ben, j'espère, ouais. Donc que ce soit des recettes de cocktails avec ou sans alcool, de desserts, de salades de fruits, de pâtisseries, de desserts, ouais, on a dit des entrées, des plats, plein de choses. On va se mettre l'eau à la bouche. Quoique normalement on aura mangé avant, donc ça devrait bien se passer. On n'aura pas faim à la sortie, quoique normalement aussi. Bon, à l'heure de la sieste, vous allez déjà penser au repas de ce soir. C'est génial. Ouais, et pour tout le week-end, parce qu'il y a 3 jours à combler, là, il va falloir faire les courses et tout. Donc n'hésitez pas. Hein. Si vous avez déjà des petites infos à nous communiquer, vous pouvez nous joindre via la page Facebook de l'émission. Ou par SMS au 3063 pour 1,5€ l'envoi de message.

ils ont de la chance, hein, les membres du groupe Coldplay, puisqu'ils ont carrément chanté avec Beyoncé. C'est Hymn for the Weekend sur Vivacité. On a des cadeaux pour vous, en plus du grand jeu qui vous permet d'aller au monde sauvage, dont on reparlera tout à l'heure après l'info de midi. Eh bien, j'ai le plaisir de vous offrir un rail pass de 10 trajets au choix, à utiliser quand vous le désirez, vers où vous voulez, pour qui vous voulez, pas de limite d'âge. C'est valable un an à partir de la première utilisation, et toutes les infos, vous les obtenez sur letrain.be. Et pour le gagner, eh bien, je vous propose d'envoyer par SMS au 6003 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message. L'heure, voilà, envoyez l'heure. Quelle heure est-il? C'est la question, vous y répondez au 6003 par SMS. Attention, ça va aller très vite, dans quelques instants, on intercepte un message et on vous appelle. C'est l'été, et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser, et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train... Samedi sur Vivacité, vous avez rendez-vous avec Julian Peretta, Louane, Cœur de Pirate, Lost Frequencies. Dès 17h, Marc Vernon et Marion Jomotte vous font vivre en direct les meilleurs moments du Brussels Summer Festival. La 2, en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio Le Mag, dès samedi 14h sur La 2. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Qui dit vacances dit parfois aussi long trajet en voiture et malheureusement aussi mal des transports, avoir le mal des transports. Ça existe. Comment limiter la casse? Aurore nous dit tout. Du mal à lire en voiture, dès qu'il y a trop de virages ou des bosses, vous avez de gros haut-le-cœur au point de vomir, parfois des maux de tête. Pas de doute, vous souffrez du mal du transport. On estime qu'une personne sur 10 en souffre en voiture, une sur 5 en bateau. Des chiffres à revoir à la hausse chez les enfants qui y sont particulièrement sensibles, surtout entre 3 et 12 ans. Cela s'explique notamment par le fait que le mal du transport résulte de données incohérentes pour le cerveau entre une image fixe et des mouvements ressentis par l'oreille interne. Un phénomène accentué chez les petits puisque leur regard ne dépasse pas le siège avant et communique donc au cerveau des images fixes. Stopper le mal des transports n'est pas chose aisée, mais il est possible d'en diminuer les effets grâce à quelques trucs. Ne pas lire, ne pas fixer d'objets en voiture, se placer au centre du véhicule et fixer un objet fixe à l'extérieur de la voiture. Voyager l'estomac bien rempli et en étant bien reposé. Éviter les fortes chaleurs et renouveler l'air du véhicule, enfin faire de petites pauses. Il existe aussi quelques médicaments, notamment au gingembre, mais leur efficacité est relative en fonction des personnes, à voir avec votre médecin ou votre pharmacien. Pareil pour les huiles essentielles, chez certains c'est efficace, pour d'autres l'odeur est trop forte et accentue, au contraire, la sensation de nausée. Depuis quelques années, vous pouvez aussi trouver sur internet des lunettes anti-mal des transports. Elles ne sont pas très esthétiques, c'est vrai, mais et le liquide qu'elles contiennent transmet au cerveau l'info que le corps est bien en mouvement, ce qui est nettement plus en accord avec les sensations perçues par l'oreille interne. Enfin, si vous souffrez du mal des transports, prévoyez toujours un sac en plastique dans l'habitacle, vous aurez compris pourquoi. Et si vous voyagez avec des enfants en bas âge, ayez toujours avec vous des vêtements de rechange et de quoi les débarbouiller. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. To be. Messagerie vocale de 4, 9, 9, 3. Ah, c'est dommage. Hein. On a essayé de vous appeler comme ça, en direct, sur l'université, pour vous offrir un rail pass. On va rester ce numéro-là. Sinon, on appellera quelqu'un d'autre. Ah, c'est dommage, parce que vraiment, on a envie de vous l'offrir, là. Bon. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Christiane. Christiane. Où habitez-vous ? À Aulne. À Aulne, c'est entre Liège et Verviers. Entre Liège et Verviers. Que faites-vous en écoutant la radio ? Oh, je suis en train de préparer le dîner, je garde une petite fille. Ah oui, elle fait du bruit, hein ? Elle s'appelle comment ? Oui, elle a faim, Estelle. Ah, elle a faim, qu'est-ce qu'elle va manger ce midi ? Elle a mangé déjà de la soupe verte. Oui. Et puis j'ai préparé des jurassiennes avec des pâtes et de la sauce tomate. Ah, c'est génial. Je pense qu'elle vous appelle vraiment là. On va vraiment vous laisser aller la nourrir parce que j'ai l'impression qu'elle n'a plus mangé depuis une semaine là. Hein. Et on va vous envoyer un rail pass, ok ? Oh, gentil, merci beaucoup. Passez un bel après-midi. Bien. Et merci d'écouter Vivacité. À bientôt. Au revoir, merci. Et dans un instant. Dans un instant, il y aura un autre cadeau pour vous. Ce sera le Monde Sauvage des Wai, une journée inoubliable pour 4 personnes. Surtout, restez à l'écoute. Vivacité présente, lundi 15 août, le 50e marché 1900 de marchands famènes. Vieux métiers, artisanat, oiseaux, danse folklorique, cirque et théâtre de rue. Jeux anciens, marionnettes, démonstrations de matériels agricoles anciens. Plus de 35 animations de belle époque. Depuis 1967, la fête la plus populaire et la plus sympathique de l'année. Programme sur marche1900.be. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce vendredi dès 20h, Saint-Tron, Anderlecht. Ce samedi dès 18h, Charleroi, La Gantoise et Westerlo-Eupen. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Dis le vos, où est Lemens ? Écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste, et ça ? Ah, mais ça, c'est une grillade qui cherche sa bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillade? Oui, grillon. Oui. La bernesse qui donne du goût aux grillades. La voilà. De vos les mains. À table. Il est midi. Toute l'actualité avec vous, Delphine Vreux. Bonjour, l'avancée est qualifiée d'inédite et on la doit à des chercheurs de l'Université catholique de Louvain. Depuis 4 ans, ils tentent de comprendre le fonctionnement des cellules cancéreuses et leur métabolisme plus particulièrement. Ces réactions chimiques qui permettent à une tumeur de se maintenir en vie et de progresser. Ici, il s'agit d'une question de source d'énergie. Écoutez les explications d'Olivier Feron. Il dirige le laboratoire à l'origine de cette découverte. En quelques mots, on savait que jusqu'ici, que les tumeurs utilisaient beaucoup de glucose, beaucoup de sucre pour trouver l'énergie nécessaire pour se développer. Alors le prix à payer pour la tumeur, c'est de l'acidité. C'est de l'acidité qui s'accumule. On estime aujourd'hui qu'une tumeur est 10 fois plus acide qu'un tissu sain. Et donc ce qu'on a découvert, c'est que cette acidité, ça finit par poser problème à la tumeur. Un peu comme un sportif qui réalise un effort, il peut, il développera à un moment donné des crampes. Et c'est notre découverte, c'est que puisque le glucose ne peut plus être utilisé, les tumeurs vont se tourner vers d'autres nutriments, d'autres sources d'énergie, à savoir des lipides, en particulier des acides gras. Et c'est cette nouvelle source d'énergie qui permet à la tumeur de continuer à grandir dans son environnement acide. Olivier Feron, joint par Yasmina Favaro, et grâce à cette découverte, la recherche va maintenant se tourner vers des médicaments qui bloquent l'utilisation de ces lipides. Certains existent déjà, mais ils n'étaient pas encore utilisés dans les thérapies liées au cancer. Le parquet fédéral confirme l'identité du Belge qui s'est fait exploser mardi lors d'un attentat suicide à Mossoul en Irak. Il s'agit bien d'un Verviétois. Il apparaissait aussi dans la vidéo de revendication des attentats de Bruxelles. En France, elle est devenue le symbole des femmes victimes de violences conjugales. Mais Jacqueline Sauvage reste en prison malgré la grâce présidentielle partielle. La justice rejette une demande de libération conditionnelle. Jacqueline Sauvage, 68 ans, avait tué en 2012 de 3 coups de fusil dans le dos son mari. Il lui avait fait subir pendant 47 ans des violences conjugales et ses 4 enfants en ont également été victimes. Le parquet va faire appel. La Belgique replonge en ce moment dans ses pires souvenirs. Il y a 20 ans, le pays découvrait le nom et le visage de Marc Dutroux. Demain, cela fera 20 ans qu'il a été arrêté. Marc Dutroux et ses maisons de l'horreur, celles de Marcinelle et de Sarre-la-Buissière. 20 ans plus tard, ce souvenir ne s'efface pas. Arnaud Pilet nous explique ce qu'elles sont devenues. Le 15 août 1996, Laetitia Delay et Sabine Dardenne sont retrouvées vivantes à Marcinelle, route de Philippeville, à quelques centaines de mètres à peine du centre de Charleroi. La maison est aujourd'hui couverte d'une bâche taguée. Elle reste comme une plaie ouverte pour les habitants du quartier. Maintenant, c'est appelé la rue de Marc Dutroux, ça nous choque. On voudrait qu'on la lève. C'est ici qu'habite Marc Dutroux. Donc pour les voisins, c'est encore mauvais. Il faudrait faire quelque chose qui passe inaperçu. Mais pas la battre non plus et faire un trou, que ça va être une réserve pour les malfaiteurs. Acheté par la commune avec l'intention d'y installer un parc, rien n'a bougé actuellement, seule une stèle est là pour rappeler le sombre passé. Et puis il y a l'autre maison au cœur de Sarre-la-Buissière, là où les corps de Julie et Mélissa sont retrouvés dans le jardin. En ruine, la maison doit normalement s'inscrire dans le réaménagement de la place. Le bourgmestre de l'Aube, Marcel Basile. L'ensemble de l'habitation sera rasé et à l'intérieur, à l'endroit où les petites filles ont été enterrées, il y aura un espace là qui sera complètement boisé. Enfin, reste le chalet où vivait le complice Bernard Weinstein, là où les corps de Anne et Effieux ont été retrouvés. Ce chalet est parti en fumée quelques mois après les faits. Une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui aux Jeux Olympiques avec le début de la compétition d'athlétisme à Rio. 4 Belges, Kevin et Jonathan Borlée dans les séries du 400 mètres, 2h du matin en Belgique. Nafitiam à l'heptathlon, 4 épreuves aujourd'hui, la première vers 16h. Et Philippe Milanov au lancer du disque, qualification là aussi à partir de 16h. Milanov, c'est une chance, c'est un espoir de médaille pour la délégation belge. Reprise aussi aujourd'hui de la compétition de voile avec Evie Van Acker en fin d'après-midi. La suite également du golf et à 23h, 5e match des Belges en hockey. Cette fois, ce sera face à la Nouvelle-Zélande. Jean-Marc Strel a des travaux sur l'autoroute 42. Oui, avec une petite confusion, c'est le 42 Prume Bâtisse entre les kilomètres 9 et 0, précisément entre Eusy et Bâtisse. Alors la bande de gauche est neutralisée en direction de Bâtisse, mais les usagers n'osent pas prendre la bande d'arrêt d'urgence et pourtant c'est autorisé. Donc du coup, il n'y a qu'une seule voie qui est utilisée et ça ralentit un peu tout le monde. Donc n'hésitez pas, prenez la bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence. Ce chantier est prévu jusqu'à 17h parce qu'il y a pas mal de fils avec tout cela. C'est 12 km de ralentissement et 50 minutes perdues que vous pouvez donc diminuer en prenant cette bande d'arrêt d'urgence. Vous perdez 50 minutes actuellement. Un accident s'est produit sur le 40 Liège-Bruxelles au kilomètre 7.8, c'est à hauteur de Stierrebeek en direction Bruxelles. Il y a aussi un trafic assez dense sur le 40, il y a Beccalais à hauteur de Hattenkerk et la circulation est à l'arrêt, nous dit-on d'ailleurs, en direction de la France. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et vous retrouvez un air de vacances. On s'amuse en studio avec Stéphane Piedboeuf. Bienvenue sur Voicemail. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Ceci est la messagerie vocale de Stéphane Piedboeuf. Bah laissez-lui vos messages et moi je vais aller vous trouver son numéro de GSM, comme ça vous pourrez l'appeler. S'il ne remonte pas cette fenêtre. on est bête. Hein? Donc votre numéro de téléphone, 0475. Badaboum. Badaboum. On passe sous un tunnel. Il n'y a plus de réseau. Like me. No, you don't understand. He's an innocent man. Nothing to do with your sinister plan. He's under my thumb. Now you know that's a lie. He won't be happy till he makes you cry. Badaboum, Pico, t'es tombé sur un salaud. Patatras, P.A., c'est sûrement celui de trop. Badaboum, Pico, t'es tombé sur un salaud. Suffer so, he calls you baby, but can't you see, you're only living in a fantasy. No, you misunderstood when I said he was cool. I simply met his desk man like you're never cool. When I'm under his thumb and he's making me baby, that's the way you feel is best I go. Sur Vivacité, Badaboum, Overphonic en concert Vivacité dans le cadre du festival Seine sur Sambre. C'est tout bientôt, ce sera le 26 août à l'Abbaye d'Aulne. Et en concert également dans le cadre du festival Fiesta City à Verviers. Le lendemain, le groupe Overphonic sera dans la Cité de la Laine le 27 août. Donc, c'était Badaboum. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Mais qui va gagner le monde sauvage des Wai? Qui pourra profiter d'une journée inoubliable en famille pour 4 personnes? Pour en profiter, c'est jusqu'au 13 novembre, donc il y a encore le temps, c'est ça qui est génial. Mondesauvage.be, c'est le site internet. C'est une belle région en plus, Wai, puisque c'est la province de Liège, c'est vallonné, mais c'est surtout très verdoyant. Et donc, si vous souhaitez aller voir les animaux du monde sauvage, aller vous amuser dans la plaine de jeux du monde sauvage et profiter de toutes les activités, eh bien, il faut reconnaître un film. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, c'est un film dont on a tiré un extrait, bah forcément sans les images puisqu'on fait de la radio, mais surtout sans réplique. Donc c'est vraiment une ambiance de film qu'il faut identifier. Et du coup, on a reçu quand même quelques mauvaises réponses par SMS au 6003, numéro vers lequel vous pouvez envoyer la bonne réponse si vous l'avez. 6003 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message. Alors on nous a proposé la 7e compagnie, ce n'est pas ça. On nous a même proposé, on a retrouvé la 8e compagnie au clair de lune, ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas la folie des grandeurs. Quelqu'un nous a envoyé Blanche-Neige et les Sept Nains. C'est absolument pas ça. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Ce n'est pas le Tatoué non plus. Voilà pour les mauvaises réponses que l'on a reçues. Vous venez de nous rejoindre. Vous dites, mais de quel film parle-t-il? Eh bien, de celui-là. Écoutez.

Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. Names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child. Merci d'écouter Vivacité ce vendredi midi 27, midi et demi. Vous êtes peut-être en pause si vous travaillez ou en vacances. Vous vous apprêtez à partir en long week-end. On vous accompagnera tout à l'heure sur la route dès 15h30. Ne manquez pas le Mobicoptère RTBF qui survolera les lieux stratégiques histoire d'être au plus près de vous sur la route des vacances ou la route du retour à la maison. On vous appelle pour vous offrir le monde sauvage des Wai. 4 invitations un jour. Ça va être très sympa puisque vous allez pouvoir y aller jusqu'au 13 novembre. Donc il y a le temps. Attention, ça sonne. Allô ? Allô ? Ah. Allô ? Allô ? Bonjour ? Bonjour ! Qui est à l'appareil ? Gisèle. Bonjour Gisèle, comment ça va ? Ça va très bien. Où êtes-vous Gisèle ? À Grivenier. À Grivenier, dans la région liégeoise donc. Exactement. Mais c'est bientôt la fête chez vous à Liège. C'est ça, les 15 en Outre-Meuse. Vous allez manger des bouquettes ? Voir Tchantché ? Voilà, et boire un petit péqué. Eh oui, un péqué, quel parfum, parce qu'il y en a de toutes les couleurs là du péqué à Liège. Hein. C'est... En fraise, moi, je préfère fraise. Péqué fraise, oui. Très bien. Bon, ça va être sympa, il y a toujours beaucoup de monde au 15 août à Liège. Exactement, oui. Voilà, voilà, voilà. Vous y allez toute seule, en famille, entre amis ? Non, non, avec mon mari. Votre mari. Et vous y allez quand ? Le samedi soir ou le dimanche ? Voilà, le samedi soir, nous préférons le samedi soir. Voilà. Samedi soir, le petit péqué. Il ouais, y a une bonne ambiance et tout, c'est très bien. Et il y a quoi à manger ? Il y a les bouquettes, il y a... Il y a un peu de tout en fait. Ouais, hein. Il y a un peu de tout, oui, parce qu'il y a les croustillons, les laquements, il y a tout ça. Hein. Ah, les laquements, c'est vrai qu'on ne sert pas ça dans toutes les kermesses, mais à Liège, non. Il y a les laquements avec le sirop d'érable. Exactement. Et la recette voilà. Un petit peu mystérieuse, hein, puisque. Voilà. Voilà, c'est ça, oui, c'est comme à la foire d'octobre, voilà. À la foire d'octobre, effectivement. Bon, nous sommes donc à Liège, où on écoute Vivacité sur 90.5, et quand on vous passe ça. Vous avez pensé à quel film ? À la grande vadrouille. Vous êtes sûr ? Oui. Ouais ? Ben je suppose. Ah, vous nous avez dit la grande vadrouille. C'est ça, oui. Ah bon ? Ça vous rappelle quelle scène ? Oh, mais c'est quand tu es avec il se trompe de chambre, là. Ah, ouais. Oui. Oui, elle me semble que c'est ça. Hein. Il se trompe de chambre, oui. Et... Oui, et il dort avec un arfait. C'est un Allemand qui est là. Oui. Et puis voilà. Eh ben oui. Mais c'est la bonne réponse. Bravo, ah ben, Gisèle. Très contente. Me for two, right. And two for two. Voilà, c'est ça, oui. Me for you, and you. Avec Bourville et Louis de Funès. Génial, on vous envoie au monde sauvage des Wai. Bon 15 août à vous ainsi qu'à tous les Liégeois, d'accord ? Merci beaucoup. À bientôt sur Vivacité. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. Salut, c'est moi, Hip, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En ce moment, dans votre hypermarché Carrefour, à l'achat de minimum 100 euros, vous recevez une réduction de... BAM 10 euros. Profitez-en vite, cette action est uniquement valable jusqu'à ce samedi. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Le 43e Festival International des Arts de la Rue se déroulera à Chassepierre, près de Florentville, les 20 et 21 août prochains. Circassiens, comédiens, musiciens, danseurs, professionnels venus du monde entier vous enchanteront, avec d'habiles équilibres et tout un jeu de subtils contrepoids. Préparez votre festival sur chassepierre.be, avec Vivacité et La Une. Et si vous changiez d'air ? Pour une fois, connectez-vous à la nature. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. La 2 en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio Le Mag, dès samedi 14h sur la 2. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Kébeuf. Thank you. Y a quelqu'un d'autre dans ta glace, entre les potions et les crèmes, tous les petits pots qui s'entassent, tu vois, le temps est passé quand même. On croyait faire du surplace, à ça on s'en est donné de la peine. On se dépense, on se démène, et même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface, on tombe chacun à son tour, entre les griffes du rapace, le seul remède c'est l'amour d'ailleurs, c'est pour ça qu'on court d'un bout à l'autre de l'espace. On va viser l'éternité. Tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. On n'est même pas pressé. Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. Et c'est pour ça qu'on va rester, rester, rester. J'aurais aimé te la porter sur un beau coussin de dentelle, la niche où se cachent les clés de la mécanique éternelle. Mais l'horloge est hors de portée, et ce n'est pas là l'essentiel. Elle peut continuer de tourner, elle peut tout emporter. Je te trouve chaque jour plus belle. On va viser l'éternité. Ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Rester, rester, rester. On est loin d'être lassé. Rester, rester, rester. Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. On va rester, rester, rester. Mais oui, on va rester, on n'est pas pressé, on est là jusqu'à 13h. C'était Francis Cabrel sur Viva. The Golden Age, Musti, c'est top. Hein. Il était au BSF il y a à peine quelques jours et il est avec nous en direct par téléphone sur Vivacité. Bonjour Musti. Salut, ça va bien ou quoi? Oui. Est-ce qu'on doit dire Musti? Ouais, bah c'est génial. Hein. Au moins, c'est pratique. Hein. Il y a pas de déplacement, bah oui. Pas d'embouteillage. Où êtes-vous chez vous pour l'instant? Ah bah non, je suis en essayage costume pour le cinéma dans un théâtre. Et donc là, je suis dans la rue, habillé avec des sabots, habillé en fermier. Ah bon? Oui, oui. C'est assez particulier. Mais qu'est-ce que vous faites dans la rue, habillé en fermier, sans être dans le pré? Des essayages costumes pour un film, en fait. Ah, vous allez tourner un film bientôt? Oui, qui sera tourné en septembre. Ok, donc vous n'êtes pas que chanteur en fait. Ah non, j'essaye plusieurs choses en fait. Voilà. Vous êtes de quelle région, Musti? Moi j'habite Bruxelles. À Bruxelles. J'habite à Bruxelles, ouais. Et vous étiez justement au BSF hein, il y a quelques jours, oui, avant-hier vendredi, je pense. Soir. Hein. Avant, oui, à une semaine, ouais. Déjà. Ouais. Alors ça s'est bien passé le concert, oui? C'était vraiment bien. En fait, comme c'était le premier jour du festival, j'avais un peu peur. Je m'étais dit, ok, je vais entrer sur scène, il y aura 10 personnes. Et en fait, il se trouve que la Madeleine était sold out. Donc, ça, c'était vraiment très motivant de voir tous ces gens présents et surtout à l'écoute et hyper motivés. Donc, je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs de l'été pour le moment. Quoi. Bon, bah, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres festivals à part le film, le cinéma? Il y a la fête de solidarité qui va arriver et Seine-sur-Sambre. Wow. Donc, ça, c'est les 27 et 28 août. Ouais, bah, c'est parfait. Donc, l'agenda est bien rempli, c'est à la Bienne Olde avec Vivacité d'ailleurs, le festival Seine-sur-Sambre. C'est très sympa. Ouais. Bon alors, quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous, Musti? Alors la chanson qui représente le mieux l'été, Bon, c'est particulier, mais c'est parce que je l'écoutais souvent sur les routes en vacances. C'est une chanson des Cranberries qui s'appelle Zombie. Zombie, oui, bien sûr. Et ça me rappelle ouais. Les routes d'Italie, en fait. Je partais tout le temps en vacances et je l'avais dans mon Discman. Et vous parlez italien? Ouais. Pas du tout. Un poco. Non, un pas poco. Du tout. Ouais. Et comment on dit je voudrais bien deux bières. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est, ça c'est n'importe quoi ça. Hein. Hey. J'adore le groupe Bluffer. Non, c'est Volei due birre, hein, deux bières. Ah ben voilà. Voilà. Comme ça, je le note. Il faut quand même avoir les bases hein, pour partir en Italie. Ouais, je sais dire arrivederci et ragazzi. Voilà. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Ça c'est pas grave, c'est ça. Pas mais il faut savoir absolument commander au moins une bière ou deux ou une pizza quoi, hein, si on va en Italie. Ok. Bon, alors okay, vous partez cet été à part les routes des festivals. Non, je travaille. Je ne fais que travailler. Je ne pars plus en vacances. En tout cas, pas avant 2010. À mon avis, malheureusement. D'accord, donc je vous pose pas la question de savoir si vous êtes plutôt camping ou hôtel puisque vous partez plus en vacances. Piscine, mer ou montagne, finalement, hein, on peut passer aussi. Je ne sais plus ce que c'est les vacances. Mais j'aime bien les city trips par contre. J'aime bien les villes. Ouais. Et un prochain city trip, une destination J'aimerais bien partir une semaine à New York. Ah oui, pas mal. Oui, j'aimerais bien. Alors, on va parler des boissons. En novembre. Oui. On va parler des boissons. Avec les Cranberries, zombies en fond. Hein. Ouais. Vous êtes plutôt quoi comme apéro, comme cocktail Alors moi je suis très mojito. Mojito. Ou plus simplement du vin blanc, un petit verre de vin blanc bien frais. Très bien. Vers 18h là, quand il commence à se toucher. On peut aussi en boire à 12h38. Hein, Ouais. Ouais, mais vers 18h j'en viens. Ou alors une grenadine avec un fromage, je sais pas si je peux citer la marque. Bon, à mon avis, je peux pas. Un fromage avec une petite platine rouge vers 18h avec une grenadine, c'est ce que je préfère. Ok, très bien. Il faut savoir que Musti, parce que Emily vient d'arriver dans le studio, puisque dans un instant elle va faire le top 3. Il faut savoir que Musti va tourner Il est dans la rue à Bruxelles. Oui, complètement. Où, j'ai des sabots. Dans la rue, il est habillé en fermier, le mec. Bah et alors? Ouais, mais à Bruxelles, je veux dire, il n'y a pas vraiment beaucoup de fermes à Bruxelles. Hein. Bah justement, c'est l'occasion d'en déplacer une. C'est bien. Exactement. J'aime beaucoup ce que vous faites, hein, j'en profite pour vous le dire. Voilà. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Mais Musti, c'est pas un chat. Il faut venir voir en concert. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une. Mais c'est la ferme qui vient à vous, en fait. Les vaches arrivent. Les vaches arrivent, attention. C'est l'heure de la traite. Je les vois. Merci. Là, je suis en plein dedans là. La glace, plutôt fraise, vanille ou chocolat? Mais on s'en fout, c'est fraise et chocolat. On va aller et à un la peu ferme. De vanille, tout. Mais enfin, laissez-moi terminer mon questionnaire des people en vacances. Voyons. Alors, chez nous en Belgique, dans quel endroit vous sentez-vous en vacances? Le mieux. À la ferme, il vous le dit, non, enfin. Près de Spa. Oui, il y a eu les Franco. Dans les collines verdoyantes. Mais oui, mais c'est pour ça, si j'ai passé un peu de temps là-bas. Pardon. Et oui, merci pour les vaches. Non, c'est Émilie qui a fait un rototo. Enfin, vous avez bu. Ben non, mais on devrait. On devrait. C'est fin de semaine. Oui, il faut y mettre. Hein. Ben voilà, ce fut le questionnaire des people en vacances. À mon avis, vous J'espère allez vous qu'il souvenir a été de... assez riche pour vous. Oui. Mais bon. Oui. Je ne sais plus ce que c'est les vacances, donc. Bah écoutez, on va vous le rappeler régulièrement dans l'émission. Okay. Bon allez, bon tournage alors, Musti, on vous retrouve sur Facebook, sur Internet, il y a une adresse, un truc à dire en particulier. Oh, le Facebook Musti, un nom, et alors le Cirque Royal le 21 octobre, j'invite tout le monde à venir, à venir faire la fête. Quoi. Bon, impeccable. Donc, vous connaissez Henri Pfr? Henri Pfr, oui, je le connais bien Henri Pfr, j'ai l'occasion de le croiser souvent. Eh ben on va l'écouter, d'accord? Génial. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. is hypnotized. Oh, you got me magnetized. They tell you lightning strikes once. Well, they got me and I got lost. I'm drowning in a sea of light. Oh, you got me mesmerized. When lightning strikes, you guide me home. Dans un instant, nous voyagerons en Hongrie et au Pérou. Restez donc avec nous. Tout de suite, on va monter sur la selle du beau vélo de Ravel. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et plus qu'un jour avant de retrouver toute l'équipe du beau vélo sur l'esplanade de la Citadelle. Elle vous proposera une balade à pied, à vélo ou même à cheval. Ainsi que toute une série d'activités pour les petits et les grands. Activités que nous détaillent Adrien Jovenot et Francis Hubin. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes déjà sur la citadelle de Namur. C'est la plus grande d'Europe. Et c'est bien ici, Francis Hubin, sur l'esplanade des Jeux. Vous pouvez vraiment étendre partout les stands, oui, les donc scènes. On peut étendre le village enfant, le Kids Village, puisque maintenant nous avons deux murs d'escalade, donc il y a un gonflable, il y a une structure métallique pour un deuxième mur d'escalade, deux châteaux gonflables, l'animation avec l'école de cirque pour les enfants, l'initiation à une discipline sportive, donc chaque samedi il y a une initiation gratuite à une discipline sportive, donc tout ça peut vivre pendant la balade, les familles peuvent s'amuser sur le village du Beauvais de Ravel. Alors la balade fera 22,5 km. C'est une petite. Elle est vraiment facile. On descend d'abord vers le village de Malone, ensuite la vallée de la Meuse, les champs de fraises de Ouépion. On fera un autre ravitaillement aussi à Ouépion, sur la place à Ouépion. Et puis on revient en longeant le fleuve et en escaladant la route merveilleuse. Avec une belle vue aussi sur la ville de Namur qui deviendra toute petite à nos pieds. Et ça va être magnifique. Et à l'arrivée, ce concert de Beverly Joe Scott. Voilà, à partir de 16h. Concert gratuit et bienvenue à tout le monde. À demain les amis. À demain Adrien. Et si ça vous intéresse de participer à cette journée organisée par le beau vélo de Ravel et que vous souhaitez plus d'infos, eh bien un seul site internet, vivacité.be. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vivacité présente une grande fête du goût, la fête du fromage au château de Harzé, le week-end des 13 et 14 août. Plus de 300 fromages, animations pour petits et grands, entrée gratuite pour tous, avec le soutien de la PACW. Pourtant, Blève, le pays convivial. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule. Dis-je pars lundi en vacances. Tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les embouts pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Ce week-end, le créateur, c'est vous. Vendredi et samedi, recevez 15%, oui, 15% de réduction sur tous vos achats pour réaliser vos plus belles créations. Pour les makers, Brico. Wow! 640 mètres de glissade ultra fun. Dévale le caméléon dans la couleur de ton choix et vis l'aventure rafting dans l'impressionnant Barracuda. Océade, c'est vraiment le numéro 1 en toboggan. Oh, oh, Océade. Et terminez la journée en beauté par une visite à Mini Europe à deux pas de l'Atomium. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. C'est comme vous voulez, 1985. Alain Souchon était sur Vivacité avec la balade de Jim. Et demain, c'est le Tip Top Vivacité. Ne manquez pas le nouveau classement à découvrir dès 10h30 jusqu'à 13h. Et là, Émilie, nous sommes dans le Slagerly Stack. Tout à fait. Le Slagerly Stack, c'est le Tip Top hongrois, figurez-vous. Voilà. Ah, hongrois ? Oui. D'accord. Oui. Et donc, en troisième position, c'est Calvin Harris et Rihanna avec This Is What You Came For. Hein mmh. En numéro 2, c'est Kongs. Et à votre avis, qui est numéro 1? Je ne sais pas. Bah, allez. Imani. Non, mais non, ah. ça fait longtemps qu'on Enrique, a plus ah oui, c'est vrai. Imani en Hongrie, elle est 6e. Donc, non, c'est Justin. Ah oui, Justin. Pas Bieber, hein, Timberlake. Voilà, ça c'est pour la Hongrie. Donc si vous allez là-bas, voyez que vous n'allez pas être très dépaysé si vous allumez la radio hongroise. Mm-hmm. et je vous conseille, si vous partez en Hongrie, de manger des langos, c'est délicieux, une pizza hongroise comme ça avec du fromage, avec un peu de crème, etc. C'est bien ça. Très bien. Très très haillé. Hein. Et bien justement, allez, allons-y, prenons un petit peu de hauteur. Ah. Faisons des bonnets et des ponchos en poils de lama. Oui. Partons sur la cordillère là, des Andes. On est devant le basilix. Et nous sommes donc au Pérou avec ce genre de musique traditionnelle, effectivement, auquel on pense quand on pense, quand on parle Pérou. Alors que, au Pérou, sur la troisième marche du podium des titres les plus téléchargés, il y a ceci. Show, dis, tu viens? Ah, ouais, c'est pas mal. Alors il s'appelle Kent Jones avec Don't Mind, un titre qu'on connaît pas spécialement chez nous. Non. Par contre, point commun avec le hit que vous nous avez donné tout à l'heure, deuxième marche du podium pour ceci. Ah bah voilà. Eh bah franchement, le mec qui a créé Kungs, je suis en train de penser qu'il est en train de se faire des Kungs en or, moi. C'est, des Kungs en or, voilà. Ça c'est sûr, et 19 ans en plus, hein, donc il a de belles années devant lui pour en faire d'autres. Numéro 1, première marche du podium pour Drake. Avec le titre One Dance, alors il n'est pas tout seul Drake, il y a plein de chanteurs et de chanteuses avec lui. Donc ça c'est pour le top 3 des titres écoutés et les plus téléchargés au Pérou. Et alors, Just for Fun. Ah, Serge Lama, ah, bien sûr, le Lama. Ah, mais nous avons de l'humour. Mais oui, il fallait être là hier. Serge Lama. Ceci dit, Serge le Lama, le vrai Lama, celui qui s'est promené dans le métro à Bordeaux, je pense. Je ne sais plus. Mais si, il y avait eu un buzz sur Internet. Il y a un Lama qui s'était échappé d'un cirque, je pense, ou d'un zoo, je sais pas. Non, c'était des gens qui l'avaient baladé dans le métro. Oui, ça. Bah, voilà. Et ça avait fait le buzz. Et même Serge Lama avait rigolé. Puisque forcément Serge le Lama. Tant qu'il crache pas, moi je dis tant mieux, il peut faire ce qu'il veut. Non, il crache pas. Il chante aussi bien que Julian Peretta, pardon. avec Miracle. C'est le numéro 1 du Tip Top, ça. Mais sera-t-il toujours numéro 1 demain? Ah, ça, vous le saurez un petit peu avant 13h en direct sur Vivacité. When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. Every beat. Ben Perretta avec Miracle sur Vivacité. J'espère que tout va bien pour vous. Dans un instant, Emily de Kegel sera là pour l'été du bon côté. On va faire le sommaire dans un instant. J'ai l'impression qu'on a fait l'émission en duo en fait aujourd'hui. C'est vrai? Pourquoi? Mais parce que voilà, je viens, je m'installe plus tôt que prévu et vous me faites faire des interviews avec vos invités. Et participe. Non, mais c'est génial. Mais c'est ça génial. Le vendredi. Franchement, quand on est une collègue sympa, même chez vous, au bureau, je suis certain que si vous avez une collègue super sympa et que bah, vous pouvez un peu moins travailler. En lui refilant votre taf. Et voilà. Et quoi. C'est un peu ça aussi, si, non? Mais oui, mais enfin, ça amuse bien. Ça mais oui, c'est vrai. Est-ce qu'on travaille? Ça, c'est encore une grande question à laquelle il faudra répondre un jour ou pas. Ou pas. Bon, on n'a pas fait le défi parce qu'on reviendra pas lundi parce qu'il y aura plein de programmes super sympas. Ah bah heureusement que vous le dites parce que moi je l'avais noté dans mon agenda. Ah non, non, non. Enfin moi en tout cas je viens pas. Peut-être non. Vous, hein, mais... mais bien mardi, alors le défi, donc 3 hits du Liechtenstein. D'accord. Ok. Parfait, c'est donc, noté. Liechtenstein. Le Liechtenstein, super. D'accord, voilà, voilà. Il va y avoir Rammstein, il va y avoir ce genre de truc-là. Non, je ne sais pas, on va voir. C'est le Liechtenstein. Le Liechtenstein, ah bah voilà. Il faut déjà pouvoir l'écrire et surtout pouvoir le situer sur une carte. Eh bah écoutez, c'est noté. C'est d'accord. Noté, on va faire ça. Et dans un instant, barbecue. Alors pas que, parce que barbecue on a déjà eu, mais oui. Là ça va vraiment être les recettes estivales. Donc comment vous agrémentez vos repas pendant l'été quand vous êtes sur vos lieux de vacances ou à la maison. Donc on va parler des petits-déj, des goûter des recettes de glace, de sorbet que vous faites, les recettes sucrées, salées, les apéros, un peu de tout, parce que nous avons tous quelque chose qui est prévu ce week-end, probablement un barbecue, une sortie, une soirée, et on a besoin d'avoir vos bons plans. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos SMS dès à présent si vous le souhaitez, par SMS au 3063, avec cette musique, c'est trop d'enfer. Et voici la météo. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Très belle journée à tous. Les nuages se morcellent cet après-midi. Les éclaircies sont même plus larges vers le littoral, avec un vent sensible tout de même. Sur le centre, le ciel est partagé et au sud du Sion sans Brémeuse, le soleil est vraiment plus timide. Ce soir et cette nuit, le ciel va largement se dégager. Les minima iront de 11 à 15 degrés. Demain et dimanche, les journées seront comparables avec une matinée assez nuageuse avant l'arrivée de belles éclaircies dans l'après-midi. Samedi, le soleil sera plus généreux sur le sud-est et puis dimanche, ce sera au tour du littoral d'être un peu plus gâté. Les températures seront légèrement en hausse, entre 21 et 25 degrés. Lundi, mardi et mercredi seront de très belles journées avec un soleil bien généreux et de la chaleur, mais sans excès, 20 à 26 degrés. Ce week-end, le créateur, c'est vous. Vendredi et samedi, recevez 15%, oui, 15% de réduction sur tous vos achats pour réaliser vos plus belles créations. Pour les makers, Brico. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité, les 13h. Il y a 20 ans, l'affaire Dutroux éclatait au grand jour. Elle allait changer à jamais la vie de tous les Belges, ceux qui ont connu les événements de près, bien sûr, mais aussi la vie des parents est devenue beaucoup plus prudente avec leurs enfants. Des explosions hier soir et cette nuit en Thaïlande. Il ne s'agit pas a priori d'attentats terroristes. Jusqu'ici, pas de Belges signalés parmi les victimes. L'athlétisme enfin au JO et les frères Borlée attendus dans les séries du 400 mètres. Le baptême du feu aussi pour Nafita Toutiam en